Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à demain. Mai dernier, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, autrement appelé le GIEC de la biodiversité, publiait un rapport extrêmement préoccupant. 1 million d'espèces menacées, les 3/4 des milieux terrestres et les 2/3 des milieux marins sont sévèrement altérés par les activités humaines. Pourquoi ce rapport fait-il date dans notre connaissance des modifications anthropiques des écosystèmes terrestres? Sur quelle base scientifique a-t-il été réalisé? Et est-il en mesure de changer la donne? Rapport sur la biodiversité, comment évaluer l'effondrement du vivant? C'est le programme naturel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre des tenants et des aboutissants de ce rapport de l'IPBES, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Sylvain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, ancien directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et Cyril Barnérias, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service Europe et international pour l'Agence française pour la biodiversité. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en complément via le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors, la biodiversité s'effondre donc, c'est désormais un fait, c'est ce qu'établit méthodiquement ce rapport de l'IPBES publié, je le disais, le 6 mai dernier. Pour autant, cet effondrement n'est pas nouveau, il est connu ou suspecté, tout du moins depuis longtemps, depuis même très longtemps, comme en atteste cette archive de la radiodiffusion française. Nous sommes en 1950. L'homme a détruit par le fer, par le feu. Mais a-t-il suffi, par son action directe, par ses armes, à provoquer de tels carnages? Non. L'extinction de tant d'espèces et de tant d'individus, animaux et végétaux, provient plus encore de la transformation des lieux où ceux-ci vivaient. La rupture dans l'équilibre de la nature, j'y reviendrai, a causé la disparition de l'arène où se jouait la vie même des êtres sauvages. La destruction de ce qu'on appelle l'habitat a causé tout naturellement celle des animaux et des plantes qui s'y trouvaient rassemblés. Seuls quelques-uns ont pu s'adapter à des conditions nouvelles de vie. La flore conditionne essentiellement la vie de la faune. Or, cette végétation native, l'homme, en a été partout l'ennemi implacable, sans penser ou sans pouvoir la remplacer par autre chose. Nous sommes donc en 1950, il y a 70 ans. Finalement, l'IPBES n'a rien apporté ou inventé de nouveau, Jean-François Sylvain. Bah, j'aurais pas osé remonter aussi loin pour dire que les scientifiques alertent depuis, maintenant on va pouvoir dire 70 ans, depuis plusieurs dizaines d'années, sur cet état de dégradation de la biodiversité. Bon, par contre, c'est vrai que la valeur ajoutée de l'IPBES, ça a été justement le fait de rassembler plusieurs centaines de scientifiques de 50 pays différents, de mobiliser la connaissance, justement, de ces dernières années. On a dit 15 000 articles scientifiques, beaucoup de sources d'État, les connaissances traditionnelles, pour finalement faire un bilan, justement, de cette connaissance, bilan de cet état, bilan de l'état d'évolution des pressions sur la biodiversité, et donc, quelque part, de casser un petit peu ce plafond de verre auquel on était confrontés, nos scientifiques, depuis des années, qui nous laissait entendre qu'on avait tout de même beaucoup de mal un petit peu à faire, non seulement faire connaître, parce que ça on le faisait, et je pense on le faisait bien, mais faire comprendre aux décideurs cet état. Cyril Barderias, une réaction d'abord générale à cette archive de 1950 qui définit ni plus ni moins ce que l'on sait aujourd'hui, l'état de nos connaissances. 70 ans, c'est depuis combien de temps on sait que l'activité anthropique a un effet dévastateur sur la biodiversité? Écoutez, depuis fort longtemps, et je pense que ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette archive, c'est que ça identifie d'ailleurs la première cause de perte de biodiversité, qui est donc la dégradation des habitats, comme le dit si bien cette archive, et qui a été repris, en fait, validé donc de manière scientifique par l'IPBES cette année. Et ce qui est important, hein, pour, comme le disait Jean-François Sylvain, c'est que ça permet aussi, ce travail de l'IPBES, d'avoir un constat partagé finalement par les scientifiques, mais aussi et surtout ce qui est important pour la suite, par les politiques finalement, puisque l'ensemble des pays présents au sein de l'IPBES ont validé ce constat, donc comme le disait Jean-François Sylvain, de dégradation de la biodiversité, de l'importance que revêt la biodiversité pour l'humanité, des causes de perte de biodiversité et des pistes de solutions, on l'abordera sans doute après. Et on verra qu'effectivement peut-être ce qui est important dans l'IPBES, c'est le P, c'est le politique, on en reparlera dans un instant, mais tout de même, cet effondrement de la biodiversité qu'atteste ce rapport-là, il n'est pas nouveau. Des rapports, on en a vu passer un certain nombre, on en a beaucoup parlé souvent à ce micro dans cette émission depuis quelques années. Les indices, et c'est plus que des indices, ce sont les preuves qui s'accumulent. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau vraiment là-dedans? Pourquoi est-ce que ce rapport-là fait autant de bruit par rapport aux autres, Jean-François Sylvain? Peut-être parce que il a précisé un certain nombre de choses, que ce soit par exemple justement l'incidence des différentes pressions. Donc il y a là, pour un peu la première fois, même si là aussi on le savait, une quantification, un essai d'évaluation de l'incidence respective des différentes pressions. Donc, alors ce qu'on appelle maintenant le changement d'usage des terres, hein, c'est un peu le nouveau terme qu'on utilise. Le rôle de l'exploitation et souvent de la surexploitation de la biodiversité, les pollutions. Hein, on parle beaucoup tout de même des pollutions chimiques dans notre pays, et puis on voit monter la question des pollutions plastiques, par exemple, hein, dans les océans. La montée de l'incidence du changement climatique, hein, qui est pas toujours facile à évaluer, parce qu'on se rend compte que le changement climatique intervient très souvent en synergie avec les autres pressions, et puis les fameuses espèces exotiques envahissantes. Donc quelque part, là, il y a eu un accent qui a été mis pour bien expliciter cela, et aussi un accent assez original mis sur le fait que derrière, il y a des pressions indirectes, il y a des facteurs indirects. Ces facteurs indirects, c'est les modèles économiques. C'est la démographie, ce sont les comportements aussi des gens de par le monde, etc. Et ça, ce sont des éléments d'originalité peut-être, et de repositionnement un peu de ces questions d'effondrement qui sont souvent vues à travers des quantifications d'espèces, etc. Et là, de replacer ça dans un fonctionnement de nos systèmes humains. C'est le Barderias. Oui, effectivement. En fait, on avait des signes, on va dire, avant-coureurs, hein, comme le montre cette archive de 1950, ou comme le montrent d'autres revues scientifiques qui ont paru récemment sur la perte des insectes. Voilà, les 80% d'insectes qui ont disparu en 30 ans en Allemagne, par exemple, qui est l'une de ces études. Il y en a beaucoup. Du même acabit, oui. L'effondrement, par exemple, de la morue liée à la surpêche, l'effondrement d'autres populations, comme le montre l'indice Planète Vivante, publié par le Fonds Mondial pour la Nature très régulièrement. Donc, on parlait de la diminution du nombre d'individus dans les espèces aussi. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas que la disparition des espèces, hein, qui c'est est la disparition des populations. Voilà, oui. Tout à fait. Qui est critique, hein, quand une espèce disparaît, évidemment, on ne peut pas la recréer. Mais quand on sait qu'on a perdu 60% de certaines populations depuis les années 70. Ben voilà, ça, quand même, c'est une question pour l'impact de l'humanité sur la biosphère et un message d'alerte. Et c'est vrai que ce qu'a apporté l'IPBES, finalement, c'est de regrouper un peu tous ces signaux qui, parfois, étaient peut-être un peu trop faibles en un signal, peut-être, on l'espère, suffisamment fort pour nous alerter. Diminution, effondrement, sixième extinction de masse, il y a une terminologie aujourd'hui qui est appropriée. On peut parler de sixième extinction parce que ça a fait débat pendant longtemps. Personne ne pouvait dire ou voulait s'engager en disant nous sommes confrontés à une disparition, à la sixième grande extinction anthropique, d'origine anthropique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prononcer ces mots, Jean-François Sylvain ? Bah, on est nombreux à les prononcer. Libès a fait attention à ne pas trop utiliser ce terme, et même à ne pas l'utiliser. Du tout. C'est pour ça que je vous le demande. On va dire que, scientifiquement, ce que l'on peut dire, donc, le concept d'extinction de masse, c'est des épisodes où il y a à peu près 75% du vivant qui va disparaître sur la planète, ou au moins sur une partie de la planète. Bon. C'est vrai qu'on n'est pas encore dans ce cas de figure. Par contre, quand on va regarder les tendances d'évolution de groupes taxonomiques qu'on connaît bien, les oiseaux, les amphibiens, les mammifères terrestres, etc. Les amphibiens qui sont particulièrement vulnérables. Alors, vulnérables, par ailleurs. Il y a une maladie qui les détruit de par le monde. Et quand on fait donc quand on continue ces courbes, là on arrive à ce niveau de 75%. Donc c'est vrai que beaucoup de scientifiques alertent sur le risque que l'on rentre dans une sixième extinction de masse, même si aujourd'hui on n'y est pas encore. Mais je pense qu'il faut pas, à certains moments, il peut être utile aussi d'employer des éléments de symbole. Comme l'a dit Cyril tout à l'heure, on parle beaucoup d'extinction d'espèces, mais l'extinction, c'est la fin d'un processus. Et comme l'a dit le rapport Planète Vivante, et beaucoup de travaux récents, le problème, c'est l'effondrement d'abord des populations. Et dans certains cas, ça va conduire à une disparition d'espèces, mais dans beaucoup de cas, simplement, l'effondrement des populations va impacter le fonctionnement des écosystèmes, aujourd'hui ou surtout demain. Cyril Barnaria, se dire sixième extinction, c'est se s'avouer vaincu. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop utiliser cette terminologie-là. Ça voudrait dire que ça y est, c'est perdu. Alors, je pense que si on l'utilise, c'est avant tout pour alerter, dire attention, au rythme où nous allons vers la sixième extinction. Les rythmes observés de disparition d'espèces sont entre, alors c'est assez compliqué à évaluer, mais entre 100 et 1000 fois supérieurs à ce qui a été observé, y compris pendant les extinctions de masse. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite que ce qui a été observé depuis l'arrivée de la vie sur Terre. Donc voilà, c'est en fait, c'est vrai que c'est le raccourci. Enfin, l'idée, c'est de dire, si on continue comme ça, on va tout droit vers la sixième extinction de masse, effectivement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons aujourd'hui donc de ce rapport de l'IPBES sur l'effondrement de la biodiversité. Nous en parlons avec Jean-François Sylvain et Cyril Barnerias. Alors peut-être peut-on rentrer un peu dans ce dossier, parce que c'est vrai que ce qu'on en a entendu dans la presse généraliste, ce sont les grandes lignes, c'est-à-dire 1 million d'espèces sur 8 qui sont menacées d'extinction. Mais bon, ce sont des grands chiffres, ça parle pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a concrètement, Cyril Barnerias, dans ce rapport? Qu'est-ce qu'il dit précisément de cette extinction en cours? Alors, en fait, le rapport de 1700 pages, donc, qui est quand même très complet, il est pour nos lecteurs, pour les auditeurs qui sont des lecteurs patentés, ils peuvent déjà lire le résumé pour décideurs, hein, qui permet d'avoir une bonne première approche, et qui, en fait, développe ce constat qui a été partagé, donc de effectivement la biodiversité est fortement attaquée, donc diminue à un rythme jamais observé, avec des catégories, enfin catégorisées par espèce par exemple. Donc on a parlé des amphibiens par exemple, qui sont le groupe d'espèces les plus menacées. Il y en a d'autres sur lesquelles on montre aussi, enfin l'étude montre qu'il y a trop peu de connaissances en fait pour bien évaluer le danger en fait qui pèse sur ces espèces. Par exemple, tout le groupe des requins et des raies, c'est un groupe qui est trop peu connu, mais sur lequel on sait qu'il y a des pressions énormes liées à la pêche. Et donc voilà, c'est le premier constat de dégradation. Et après, le rapport développe l'importance que ça revêt pour l'humanité. Donc tous les services, comme on disait par avant, écosystémiques rendus par la biodiversité et qu'on risque de perdre. Et après, cette importance évoque un peu des solutions que l'on peut proposer. C'est cette notion de service écosystémique qui parfois d'ailleurs un peu critiquée, en disant est-ce qu'on a vraiment besoin de tout économiser pour que les décideurs se rendent compte de l'ampleur du drame qui est en cours, Jean-François Sylvain. Oui, alors c'est vrai que donc le l'IBES est une plateforme qui peut être des fois critiquée par son côté relativement utilitariste, hein, même assez anthropocentré, ce qui n'est pas complètement anormal, hein, vu l'importance des populations humaines. Par contre, on pourrait souhaiter que la question de l'avenir, disons du devenir de tout ce qui n'est pas humain, nous, des fois, ce qu'on a, on s'amuse à appeler les non-humains, soit mieux pris en compte. Parce que on a une responsabilité aussi, en tant que société humaine, par rapport justement à l'ensemble du vivant, et pas uniquement à ce qui peut être perçu comme utile. Et d'ailleurs, moi je me permets souvent, quand on parle de services écosystémiques rendus par les écosystèmes, d'inverser la phrase, de parler des services que les humains retirent des écosystèmes. Parce que bien entendu, les écosystèmes ne savent pas qu'ils nous rendent des services. Et voilà, c'est pas un processus actif. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi se préoccuper de l'ensemble du vivant, se préoccuper dans une vision éthique, si on peut dire. Peut-être aussi, on peut revenir vers un certain utilitarisme, parce que finalement, on ne sait pas ce que nos descendants, dans un siècle ou deux, utiliseront, justement, de la biodiversité qui existera encore. Donc, gardons-nous aussi des potentiels futurs. Peut-être un mot avant d'aller effectivement un peu plus loin sur les différents points qui sont abordés dans ce rapport de plus de 1700 pages. Il y a quelques éléments qui sont des éléments intéressants et nouveaux. C'est que, donc, on l'a dit, c'est une méta-analyse. Il n'y a pas de production de connaissances nouvelles à proprement parler. C'est une compilation. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure parce que la méthodologie est intéressante. L'une des caractéristiques, Cyril Barnériès, c'est, comme le disait tout à l'heure Jean-François Sylvain, d'avoir intégré à ces études, ou en tout cas à ce corpus, des connaissances traditionnelles, c'est-à-dire vraiment du savoir autochtone, en quelque sorte. Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui est important, parce que souvent ces peuples connaissent très bien leur environnement. De même que nous avons, par exemple, plein de mots pour nommer, nous, dans notre société occidentale, toutes les marques de smartphones, de logiciels, etc. La comparaison est cruelle, oui. Et oui, et on s'aperçoit d'ailleurs que les enfants de nos sociétés reconnaissent beaucoup plus de marques que d'espèces d'arbres, par exemple. Alors que dans ces sociétés-là, évidemment, du fait de leur approche de la nature, de leur utilisation, souvent, ils ont beaucoup plus de mots pour nommer les espèces d'arbres, les espèces d'animaux qu'ils peuvent utiliser, et en ont une connaissance très fine de... Vous avez dit les espèces d'animaux qu'ils peuvent utiliser. Également. C'est pas les espèces, c'est les noms qu'ils peuvent utiliser pour décrire les espèces. Voilà. Et oui, excusez-moi. Et effectivement, on cette connaissance aussi très fine du fonctionnement finalement des écosystèmes, de qu'est-ce qu'on peut... comment les espèces interagissent entre elles, s'il y a un prélèvement, quel peut être son impact, et ont du coup une approche beaucoup plus respectueuse finalement de l'utilisation de la nature. Alors sans tomber dans le schéma, on va dire, du bon sauvage, mais c'est vrai que ils ont une connaissance énorme de cette biodiversité et des usages qu'on peut en faire. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre, et c'est très intéressant, je pense, de l'utiliser, même si c'est pas évident aussi d'un point de vue scientifique, hein, d'intégrer ça dans un rapport. Justement, comment est-ce qu'on intègre ce type de connaissance, qui est une connaissance qui diverge un peu des canons académiques de l'étude scientifique de type occidental, Jean-François Sylvain? Ce sont des connaissances qui sont aussi analysées par des scientifiques. Donc le but et l'idéal, c'est quand on a des scientifiques issus justement de ces communautés locales, hein, qui peuvent évaluer comment justement intégrer ce type de connaissances dans des approches relativement traditionnelles d'analyse des connaissances scientifiques au travers de l'analyse des publications internationales. Je pense qu'il y a un corpus de scientifiques spécialisé dans la compréhension justement des connaissances traditionnelles, qui permet de faire ce lien. Et alors l'IBES va aussi générer, à côté des grandes évaluations, des travaux plus particulier justement pour faciliter ce type de transition. Hein. Donc, bon, l'IBES, c'est quelque chose de relativement important. Et à côté, je dirais, des éléments très forts d'évaluation sur les pollinisateurs, sur la biodiversité des grandes régions du monde, et là, sur la biodiversité planétaire, vous allez avoir une série d'outils qui sont développés pour justement... disons faciliter l'usage des modèles par exemple, ou de faire des réflexions sur l'usage des connaissances traditionnelles. Donc quelque part, ça va permettre de faciliter ce que vous disiez. Comment est-ce qu'on aboutit, comment est-ce que l'IBES aboutit à ce chiffre d'un million d'espèces menacées? Quand on sait par exemple qu'on n'a pas recensé toute la biodiversité mondiale, qu'il nous manque beaucoup de connaissances, notamment dans les milieux océaniques par exemple, ou dans les milieux de forêts tropicales, comment est-ce qu'on peut dire arriver à ce chiffre d'un million? Ah, effectivement, qui est conséquent hein, sur les 8 millions d'espèces que l'on pense à peu près connaître. Alors c'est Jean-François pourra compléter évidemment. C'est une extrapolation en fait par rapport aux tendances que l'on voit actuellement sur les groupes d'espèces que l'on connaît en fait. Donc par exemple sur les voilà, quand on sait qu'il y a 30% d'un groupe d'espèces qui est menacé, qui représente donc tant d'espèces. Donc ça c'est basé sur des travaux également scientifiques, hein, en particulier menés par des commissions de l'Union internationale pour la conservation à la nature, qu'on appelle les listes rouges, hein, qui classifient les espèces en fait en fonction du risque qui pèse sur elles. Vous avez une liste qui est renouvelée tous les ans, dont on témoigne assez. Il y a des espèces qui entrent, d'autres qui en sortent, de plus rares, mais il y en a quelques-unes parfois. Voilà, tout à fait. Et donc, quand on ajoute en fait les pourcentages pondérés par le poids de ces espèces, en fait, on aboutit à ce chiffre de 1 million, en fait, qui est donc une extrapolation par rapport aux connaissances actuelles, même si on sait que certaines connaissances font défaut. Alors, Sylvain, comment sur ce chiffre? Mais je pense que l'explication est tout à fait claire. Mais peut-être que ça permet d'ouvrir aussi sur des besoins aussi, hein, parce que ce rapport, il a fait le point. On pourra revenir sur d'autres éléments. Il a fait le point sur l'état des connaissances, mais en même temps, il fait le point sur les manques de connaissances, hein, sur ce qu'on appelle les knowledge gaps, hein. Et en particulier, alors il faut saluer le travail de l'UICN et les listes rouges, mais il faut savoir naturellement que très souvent, ce que l'on connaît sur un groupe taxonomique est assez restreint. Et donc, c'est des extrapolations hein, qui sont faites. C'est des extrapolations qui sont faites. Et dans certains cas, c'est vrai qu'il serait très souhaitable de pouvoir étendre, la base de connaissances pour aller vers des chiffres peut-être plus précis. Hein, sur justement ces tendances d'évolution et de disparition de populations et d'espèces. C'est le Barnes. Oui, par exemple, pour compléter un peu ce propos et voir comment c'est calculé, on sait par exemple qu'en France, alors déjà dans le cas simple de la métropole, on sait qu'il y a 32% des oiseaux nicheurs qui sont menacés d'extinction, 23% des amphibiens. Donc c'est en fait à partir de données de ce type-là que l'on construit ce chiffre de 1 million, en fait, en regardant par rapport aux différentes populations, celles qui sont menacées, et on arrive du coup à 1 million sur 8 millions, ce qui est quand même énorme. Mais alors justement, ce chiffre, cette approximation, c'est un chiffre symbolique qui est un peu sous-estimé, un peu surestimé pour alerter les consciences, ou est-ce que c'est vraiment une bonne estimation de l'état réel de l'effondrement de la biodiversité, Cyril Barnarias? Alors, il est... c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est quand même très difficile à évaluer, et en particulier, comme on l'a dit précédemment, du fait du manque de connaissances, et en particulier sur les groupes d'insectes, en fait, qui représente une grosse partie de la biodiversité et que l'on connaît malheureusement très peu. Donc c'est aussi une invitation, hein, comme l'a dit Jean-François, à compléter finalement cette recherche. Vu les rythmes aussi actuels de perte de biodiversité, donc avec des rythmes de 100 à 1000 fois supérieurs à ce qu'on observait auparavant, on voit qu'on est sur une accélération finalement. Et donc c'est vrai que évaluer la vitesse quand on est dans une phase d'accélération importante, c'est toujours un peu compliqué. Donc on sait qu'on va très vite vers une dégradation, une perte de biodiversité. Est-ce que c'est 800 000, 1 million 2 d'espèces finalement, enfin, on sait qu'on est à peu près à un huitième, et c'est vraiment ça qui est critique. Alors, il n'y a pas que ce chiffre hein, dans ce rapport, il y en a plein d'autres et qui recoupent ou qui témoignent de réalités très différentes. Je le disais en introduction, il y a cette estimation qui veut que 75% des milieux terrestres et 66% des milieux marins, donc les trois quarts et les deux tiers, soient sévèrement altérés. Qu'est-ce que ça veut dire, sévèrement altérés, Jean-François Sylvain? De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il dit, ces chiffres-là? Ça veut dire que le fonctionnement de ces systèmes, qu'il s'agisse des milieux marins, océaniques, etc. Alors, il faut penser aussi aux milieux d'eau douce terrestres, hein, qui sont eux aussi très très fortement impactés, parce qu'on considère qu'une bonne partie des zones humides de la planète a disparu dans les dernières dizaines d'années. 87% des zones humides présentes au XVIIIe siècle ont été perdues depuis 2000. Voilà, donc c'est énorme. 90%, hein, c'est énorme. Et d'ailleurs, le rapport qui était paru l'année dernière sur la dégradation des terres avait aussi mis l'accent là-dessus. Ça veut dire qu'on est devant des systèmes dont les fonctions, la fonctionnalité, va être progressivement de plus en plus impactée. Alors, c'est concrètement, toujours... ça veut dire que l'écosystème ne marche plus. C'est quoi un écosystème qui ne marche plus? Alors, oui, la biodiversité, hein, sont des individus, sont des espèces, mais c'est aussi beaucoup des relations entre ces objets. Et quand ces relations vont commencer à disparaître, vont être dégradées, bah finalement la fonctionnalité du système va progressivement perdre des éléments. Hein, et on va passer de ce concept d'écosystème en bon état ou en bon fonctionnement à des écosystèmes qui, dans un premier temps, vont continuer à ressembler à des écosystèmes fonctionnels, mais déjà une partie de leurs éléments constitutifs a été perdue, ou des relations entre ces éléments constitutifs a été dégradée, et on va arriver à des écosystèmes qui ne pourront plus, je dirais. Alors, ça peut se mesurer en termes de biomasse annuelle produite, par exemple pour une forêt, etc. En termes de, bien sûr, de qualité des eaux pour les cours d'eau. En termes aussi, on le sait, pour les océans, par exemple, on a des processus d'anoxie, de perte d'oxygène, etc. Donc là aussi, en termes de biomasse, en termes de diversité des populations animales qui sont dedans, etc. Et végétales aussi. Et végétales, bien entendu, le plancton, etc., phytoplancton, tout ce que l'on veut. Et puis, capacité de ces océans à récupérer le CO2, on sait qu'on atteint des limites aujourd'hui. Donc petit à petit, on va arriver à des systèmes qui ne sont plus pérennes et durables. Donc, trois quarts des milieux terrestres et deux tiers des milieux marins, selon le rapport de l'IPBES, sont dans cet état sévèrement altéré aujourd'hui. On peut le considérer. C'est pour ça qu'il est important. Alors, l'IPBES a dit aussi, c'est un point assez majeur, que tous les grands objectifs, la plupart des grands objectifs internationaux, ce que la Convention sur la diversité biologique avait mis en avant, les objectifs d'Idaichi, une ville du Japon. Je crois qu'il y en avait 20. Il n'y en a que 4 qui ont été atteints. Alors, justement, ces objectifs ne seront pas atteints en 2020. La Convention, c'était en 2010. Oui, c'est ça. Donc, l'objectif, c'était 2020, et ces objectifs ne seront pas atteints. Et de l'autre côté aussi, cette grande ambition des Nations Unies de mettre en avant les objectifs du développement durable, à partir du moment où, justement, les objectifs de biodiversité ne sont pas atteints, une bonne partie des objectifs de développement durable ne seront pas non plus atteints. Hein, et ça va être extrêmement difficile. Donc, quelque part, on est bien devant une planète qui vit au-delà de ses moyens. Hein, c'est un peu... Alors, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la France, etc. Hein, donc, on vit à crédit. Le jour du dépassement dont on a beaucoup parlé aussi, voilà. Qu'on vient de franchir pour l'Union européenne, qui, au niveau mondial, se situe maintenant, je crois, le 1er août, alors qu'il était à la fin des années 90. Oui, alors ça se rapproche il était fin décembre, enfin, c'est-à-dire qu'en 20 ans... C'est le concept d'empreinte écologique, voilà. Sur lequel, nous, à la FRB, on a beaucoup travaillé, on l'a mis pas mal en avant, pour bien expliquer que, finalement, on consomme beaucoup plus que ce que nos environnements nous assurent. Donc, on vit à crédit des autres. Il y a d'autres chiffres dans ce rapport. Alors, il y en a qui sont assez clairs, comme ce qu'on vient d'évoquer. Une sorte de corollaire de ce qu'on vient d'évoquer. 37% de toutes les zones terrestres restantes ne subissent qu'une très faible intervention humaine. Ça veut dire quoi exactement, Cyril Barnérias? Ça veut dire que sur cette finalement faible proportion des terres émergées, on a une faible pression humaine. Mais donc, ce qui veut dire à l'inverse que sur toutes les autres, on a une très forte pression. On pense en particulier aux sols agricoles qui ont subi un appauvrissement, alors qu'il a été finalement caché dans beaucoup de pays par des apports d'engrais et des apports de pesticides très importants, mais qui ont des conséquences énormes aussi sur la biodiversité et qui finalement ne font que cacher la perte de biodiversité liée à une utilisation trop intense des sols agricoles. Et pour compléter sur le milieu marin également, quand on sait qu'il y a 93% des stocks de poissons qui sont soit exploités à leur maximum, soit surexploités, surpêchés, ça veut dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur 93% des stocks de poissons dans le monde. Donc avec une population qui augmente et une consommation de poissons qui augmente également, on voit bien qu'on a atteint les limites. Hein. D'ailleurs, les captures de poissons dans les océans sont plafonnées depuis des années. On n'arrive pas à augmenter la capacité de capture parce qu'on a atteint les capacités de production de l'écosystème océanique. Donc il faut réellement qu'on se pose des questions sur nos modes de fonctionnement dans nos sociétés. Ce rapport de l'IPBES, il a des chiffres qui sont aussi, qui relèvent de ce que vous venez de décrire, Cyril Barnérias, notamment l'augmentation de la consommation mondiale de 15% par habitant depuis 1980. C'est-à-dire que ce sont des chiffres effectivement sur l'augmentation de la consommation et donc de la pression sur les milieux naturels. Quand on voit ça, pourtant, Jean-François Sylvain, 15% par habitant depuis 1980, on dit que c'est pas énorme. Oui, mais comme je veux dire, Cyril, on est déjà dans des systèmes qui sont loin de l'optimum. Hein, c'est la consommation de matériaux, hein, pour être précis. Oui, alors là, c'est la consommation de matériaux, mais c'est vrai que l'exemple de les approches extractivistes, si on peut dire, au niveau marin, sont assez probantes. Et au niveau de la, oui, alors c'est vrai que il peut y avoir là une petite forme de quiproquo, parce que ce chiffre a été mis en parallèle avec l'augmentation de la population mondiale. Hein, et c'est vrai qu'on peut à ce moment-là se dire, finalement, est-ce que c'est si dramatique que cela d'avoir une augmentation de la consommation des matériaux de 15% alors que la population a doublé pendant le temps. Bon, je pense qu'il faut tout même être réaliste. Hein, on est bien dans des systèmes qui sont sous-optimaux en termes d'exploitation des ressources. Hein, et je pense que l'IBES a bien mis l'accent sur le fait qu'on ne pouvait pas continuer de cette façon-là si on voulait assurer peut-être pour vous. On peut mettre en regard avec un autre chiffre, hein, c'est celui de plus ou moins 60 milliards, ce sont les tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables extraites dans le monde chaque année. Cette quantité a doublé depuis 1980. Voilà, alors là, je pense qu'on est devant des choses plus claires. Je voulais juste évoquer le fait qu'il y a, pas obligatoirement pris en compte dans le rapport IBES, mais des travaux de gens qui font des modèles et des scénarios planétaires et qui montrent justement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à peu près sur le chiffre qu'il faudrait arriver à préserver entre 30 et 40% de la surface de la planète des activités humaines intensives. Hein. Alors ça ne veut pas dire obligatoirement mettre tout en défense et en protection intégrale, mais arriver, si on veut conserver des services de type purification de l'air, de l'eau, etc., apport d'oxygène, tout ce que l'on veut, tous les services de régulation type pollinisation, il faudrait en arriver là. Un dernier chiffre avant de passer à la seconde partie de cette émission, Cyril Barnérias, vous pouvez peut-être nous expliquer un chiffre un peu abscond quand on le lit comme ça, 47% de réduction des indicateurs de l'étendue et de l'état des écosystèmes mondiaux par rapport à leur état naturel estimé, ça veut dire quoi? Jean-François Sylvain, comme vous voulez. Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça peut sembler relativement. C'est simplement, ce sont des indicateurs d'état et tout ça montre qu'on est dans une dégradation relativement accélérée. La moitié des indicateurs. Voilà, les indicateurs sont, on va dire, au rouge, hein, pour être un peu simple. Donc c'est aussi, ça fait partie de l'alerte. Ça fait partie d'une alerte plutôt intégrative par rapport aux chiffres sur les espèces, par exemple. Thank you. I'm the wolf without a pack, banished so long ago. I've survived on another's kill, and on my shadow home. All I've learned is that poison sting. No one remembers the names of martyrs or kings. No one remembers much of anything. Came this way before. I'm the wolf combing the beach, too hungry to shy away. The carcass of a leviathan sways gently on the waves. I hope this shelter is enough to keep me warm. Upstairs the heavens giving birth to winter storm. But I've been dying since the day I was born. Not much I know is true. I am the Wolf de Mark Lanegan Band sur France Culture dans la méthode scientifique. Une musique de circonstance pour parler de l'effondrement de la biodiversité et du rapport de l'IPBES. C'est le thème de notre émission du jour en compagnie de Jean-François Sylvain, qui est président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, ancien directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, et Cyril Barnérias, qui est chef du service Europe et International pour l'Agence Française pour la Biodiversité. Alors, pour comprendre eh bien la racine de cette méta-analyse, comment s'effectue sur le terrain la recension de la biodiversité, eh bien nous sommes allés voir sur place le travail des associations. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez enfilé votre maillot de bain et vos méduses pour aller faire un tour à la plage à Concarneau. Oui, j'ai rencontré Pauline Poisson, qui est la coordinatrice du programme Plage Vivante, qui est un programme de sciences participatives développé par le Muséum National d'Histoire Naturelle dans le cadre de son plus vaste programme de sciences participatives Vigie Nature. On s'est donc rendu sur la plage de Concarneau et Pauline Poisson m'a expliqué en quoi consiste le protocole participatif de Plage Vivante, qui consiste à évaluer la biodiversité locale et en particulier la diversité des algues qui constitue la laisse de mer. Pauline Poisson nous explique également à quoi sert ce programme d'évaluation de la biodiversité et comment les bénévoles qui participent à Plage Vivante interagissent avec la communauté scientifique. Alors Plage Vivante, donc c'est un programme de recherche qui est construit autour de cet observatoire participatif de la biodiversité des hauts de plage. Donc l'idée de ce programme, ça va être d'étudier la fonctionnalité de tout l'écosystème du haut de plage dans sa globalité et donc en lien avec la laisse de mer, c'est-à-dire cet amas d'algues et de débris animaux qu'on retrouve échoués à marée basse sur la plage. Donc il faut savoir qu'autour de cette laisse de mer, on a pas mal de biodiversité qui va graviter, et notamment du coup des oiseaux qui vont venir se nourrir de petits invertébrés décomposeurs comme les puces de mer. Ces puces de mer vont elles-mêmes décomposer la laisse de mer, qui va devenir une sorte d'engrais, de nutriments, qui va s'infiltrer dans le sable et permettre à des plantes en arrière-plage, donc des plantes terrestres, de se développer, et notamment avec des racines profondes qu'elles développent, de venir stabiliser le haut des dunes en retenant les grains de sable. Voilà. Donc l'idée du programme Plage Vivante, c'est d'essayer de suivre l'état de la biodiversité face aux changements globaux, donc climatiques et anthropiques, et face aux changements plus locaux, comme par exemple l'eutrophisation de l'eau, c'est-à-dire l'enrichissement en nutriments qui favorise la prolifération de certaines plantes, et puis des changements de gestion des laisses de mer sur le littoral. Donc le protocole à la mer, pour algues de la laisse de mer, c'est le premier protocole qu'on a développé dans le cadre du programme. Et donc l'idée, ça va être d'étudier la composition en algues de la laisse de mer, donc à la fois la composition, mais aussi la quantité des différentes espèces qu'on va retrouver dans cette laisse de mer, puisque cette variabilité en algues va être différente d'une plage à l'autre, d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre. Et on va pouvoir du coup étudier les changements de ces communautés sur le long terme, on espère. Alors du coup, le premier outil, donc c'est le transect. Alors soit on a un bout de 25 mètres, ce qui fonctionne très bien, ou alors un décamètre de 25 mètres aussi. Donc l'idée, ça va être de le dérouler donc, sur la laisse de mer fraîche. Donc on ne va pas sur les anciennes laisses de mer qui sont déjà bien décomposées. On le déroule, on prend les mesures de la laisse de mer et puis des activités qu'on voit sur la plage. Et ensuite, on va prendre un quadrat. Donc par exemple, ça peut être un bout de 4 mètres avec un nœud tous les mètres. Et on refait le carré donc, sur la laisse de mer. On le positionne. Ensuite, on va identifier le quadrat par un numéro et on va le prendre en photo. Ce sera le quadrat T1Q1. Voilà, pour transect 1 et quadrat 1. Donc, on prend une photo qui sera ensuite transmise sur le site internet et qui pourra servir notamment à valider les données que les participants vont nous remonter. Une fois qu'on a fait ça, on va trier les algues donc, par forme et par couleur. Et puis, commencer à les identifier. Alors, donc pour les identifier, on a un petit guide. Voilà, on a un petit guide qui a été développé alors spécifiquement en local. Donc, il fonctionne bien pour la région Bretagne, Normandie, Loire-Atlantique. Donc, on a sélectionné des espèces qu'on souhaitait étudier. Donc, 36 espèces ou groupes d'espèces. Et donc, en se posant des questions, on va pouvoir suivre un cheminement et trouver le nom de l'algue qu'on recherche. On peut prendre celle-ci, elle est intéressante. Donc là, vous avez isolé un morceau d'algue. C'est ça, donc un morceau d'algue brune. Donc voilà, la première question qu'on se pose, c'est de quelle couleur est mon algue ? Donc on a trois choix possibles, algue verte, algue brune ou algue rouge. Donc ici, elle est brune. On continue le cheminement. Est-ce que l'algue, elle est plutôt de type large, supérieure à 4 cm, et est-ce qu'elle est plus longue de 50 cm ? Donc ici, c'est pas vraiment le cas. Donc on est dans autre situation, on nous demande d'aller à l'étape 4, et on arrive sur une nouvelle page où on continue à se poser des questions. Donc est-ce que la forme de l'algue est plutôt aplatie avec des flotteurs ? Donc c'est les petits flotteurs qui permettent à l'algue d'aller plus haut dans la colonne d'eau, voilà. Donc ce n'est pas le cas. Et du coup, on a est-ce que les flotteurs sont nombreux et enchaînent dans les rameaux comme un collier de perles ? Alors là, ce n'est pas le cas. Donc on regarde l'autre espèce. Nombreux petits flotteurs accrochés un par un sur les rameaux. On regarde la photo pour vérifier. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Du coup, on est sur une espèce qui s'appelle Sargassum muticum. Mais comme c'est pas facile à dire pour les enfants, on l'a appelé B12. Voilà, mais au niveau scientifique, oui, on a l'information de l'espèce de laquelle il s'agit. Une fois qu'on a fait ces relevés-là, on en rend compte sur une fiche de notes un peu particulière. Est-ce que vous pourriez me la décrire et me dire ce qu'on y inscrit ? Alors du coup, sur la fiche de notes, on va noter les informations liées au transect et au quadrat. On note également le numéro des photos qui sont prises par quadrat et avec lesquelles on pourra relier les informations qui ont été récoltées. Et donc, sur ce qui concerne les algues, on va noter en fait l'abondance des algues par espèce. C'est un programme récent qui a débuté, je crois, il y a un an ou deux. À partir de quand on pourra envisager d'avoir des résultats en lien avec ces relevés-là ? Alors nous, notre sujet d'étude, en tout cas, c'est le lien avec le réchauffement climatique. Donc c'est quelque chose qui, bon, les résultats ne sont pas visibles sur une ou deux années. Alors on espère peut-être dans 10 ans, à peu près, commencer à voir peut-être un effet de ces changements. Voilà. Voilà les relevés de biodiversité sur une plage de Concarneau. Voilà le travail fondateur de cette méta-analyse de l'IPBES. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jean-François Sylvain. Déjà, on apprend toujours des choses, hein. Donc c'est tout à fait intéressant. Puis ça que montre... les sargasses sont partout, y compris les Concarneau. Oui, voilà, ça arrive. Non, ce qui est important, surtout peut-être, puisque je pense qu'il faut aussi qu'on passe maintenant un petit peu à qu'est-ce qu'on fait. Ce serait pas mal, parce que sinon, Et là, quelque part, bon, ces approches montrent que tout un chacun peut aussi s'engager. Hein, peut s'engager pour arriver à ce qu'on connaisse mieux la biodiversité, hein, à travers bon, ce qu'on appelle les sciences participatives en particulier, hein, qui mobilisent, que ce soit sur les suivis d'oiseaux, les suivis de certains insectes, là, ici, donc au niveau des organismes littoraux, et qui peut mobiliser toute une série de citoyens, hein, qui vont contribuer à cette meilleure connaissance. Et on peut c'est le début de l'aventure. On a parlé beaucoup de sciences participatives ici. On peut rappeler à nos auditeurs qu'il n'y a pas besoin de vivre à la campagne ou dans un milieu particulièrement exotique pour en faire, même sur les balcons au sein des grandes villes. Enfin, il y a tout un tas de liens et d'études possibles, de participation possible. Et on vous met bien sûr des références sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefca. Une réaction, Cyril Barnérias, à ce reportage? Alors effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant parce que ce genre de démarche, parce que effectivement, ça permet déjà d'accroître la connaissance d'un des volets de la biodiversité. Ça permet en même temps de sensibiliser les personnes qui font ces études-là, et puis de souvent suivre un petit peu les milieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se prend un petit peu à suivre un milieu, une espèce, etc. S'il y a une atteinte qui survient sur ce milieu ou sur cette espèce, on aura beaucoup plus vite aussi, beaucoup plus rapidement, un retour et une alerte. Donc je pense que ça a vraiment beaucoup de vertus. Ça, c'est important. Et ça rentre parfaitement dans la partie sensibilisation, dans le process. Et, alors, puisque cette démarche est soutenue aussi par les AME, les aires marines éducatives, qui sont portées par l'Agence française pour la biodiversité et qui ont pour objectif, finalement, d'amener des étudiants, des élèves, en fait, sur un milieu, par exemple, une plage, un petit bord de mer, et de leur apprendre déjà à mieux connaître ce terrain. Et après, à imaginer finalement un plan de gestion, donc par rapport aux utilisations qui peuvent en être faites, qu'est-ce qu'on peut mettre comme règle. Donc finalement, ça apprend à des enfants à gérer un environnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important en termes de sensibilisation. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Le fameux développement économique, dont la nécessité est devenue pour nous, et en particulier pour nous, Américains, un véritable article de foi, a été réalisé aux dépens de ressources qui ne sont que théoriquement renouvelables, comme les forêts et les prairies, et aux dépens d'un capital aussi irremplaçable que le sol et les ressources minérales. Hein, pour ne dire qu'un mot, les ressources minérales. Quand on pense qu'au moment où surgit à nos yeux la perspective, le spectre de l'épuisement de nos ressources en essence, nous en gaspillons tous les jours des centaines de milliers de litres, en construisant par exemple des autos d'une puissance et d'une exigence en essence fabuleuse, des autos que nous lançons dans des courses dont le spectacle sert de dérivatif à la tension de notre esprit et à qui nous faisons parcourir chaque année sur les routes des centaines de milliers de kilomètres à la poursuite de jouissances futiles. Le combatif économiste William Vogt a, comme on vient de le constater, la dent dure envers, de façon générale, l'industrie et de façon toute spéciale, les industries de luxe. J'en veux surtout à notre conception du standard de vie dit américain, dont les trois éléments essentiels sont l'auto, la salle de bain et la radio. Et la radio, exactement. C'est un extrait de l'émission Le siècle était là, qui est une mise en onde par des comédiens du congrès de la Food and Agriculture Organization. C'était à Rome en 1953. Si je vous ai proposé cette archive, messieurs, c'est parce que on entend là, dès 1953, la critique d'une certaine forme d'économie, d'une certaine forme d'exploitation des ressources. L'IPBES amorce une petite critique, mais c'est une critique qui est encore très légère. Or, on disait l'important de ce rapport, c'est sa vocation politique. Est-ce que l'IPBES a vocation à être moins timide? Est-ce qu'il faut dénoncer de manière plus puissante aujourd'hui nos modes de consommation? Est-ce que ces modes ont comme conséquence sur l'environnement? Jean-François Sylvain. Je pense que l'IBES a tout de même dit beaucoup de choses. Hein. Et encore une fois, il faut toujours se souvenir que ce qui a été dit au niveau du résumé pour décideurs a été validé par les 130 pays membres. Donc c'est pas négligeable, y compris les États-Unis, etc. Hein. Donc ce qui a été dit, c'est que le business as usual nous conduisait réellement dans le mur. Si on continue aujourd'hui. Comme aujourd'hui, avec les mêmes... Voilà. Et il a bien été dit qu'il fallait aller vers ce qu'on a appelé, alors le terme est assez un peu barbare, des changements transformatifs. derrière le mot transformatif, c'est-à-dire réellement s'attaquer à ces pressions. S'attaquer, je dirais, aux pressions d'abord indirectes, donc les modes de fonctionnement de nos sociétés, et aux pressions et qui vont commander les pressions directes. Donc un des points, par exemple, qui a été tout de même montré du doigt, c'est certaines formes d'agriculture intensive, hein, qui fonctionne grâce à des importations, par exemple, de protéines qui traversent l'Atlantique par bateau entier toute l'année, etc. Et donc là, on a déjà des pistes. Alors après, par rapport à votre question, c'est vrai que l'IBES n'est pas là, n'est pas prescriptive, hein, c'est-à-dire que les recommandations de l'IBES ne sont pas des obligations imposées aux États. Et là, il faut remettre l'IBES dans un processus qui est plus large et qui inclut aussi la Convention sur la diversité biologique, qui va se réunir en 2020 en Chine, hein, et où on espère qu'il puisse y avoir un accord international sur la biodiversité qui, lui, imposera des choses contraignant. Aux États, qui pourrait être comme la... Bah, alors après, bien on voit ce que ça a donné pour les accords de Paris. Oui, hein, mais ça a pas été. On va peut-être pouvoir essayer de faire mieux que l'accord de Paris à ce moment-là. Hein, à Kunming, on peut espérer qu'il y ait un accord international qui amène les États à prendre des décisions individuelles, hein, des engagements forts en faveur de la biodiversité. Cyril Barnaria, c'est ce que je vais reposer la question que je viens de poser à François Sylvain, la formulant de façon différente. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que ces organismes mettent plus frontalement les pieds dans le plat politique, économique ? Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que ce qu'il faut changer, ça n'est pas certaines pratiques à la marge, mais nos modes de vie ? Alors, je pense que pour reprendre votre archive, je retiendrai la majeure partie du message, si ce n'est peut-être l'attaque contre la radio qui me semble quand même importante à préserver. Et pour répondre à votre question, à mon avis, très clairement, hein, le rapport de l'IPBES pose sur le bureau des politiciens le constat que la perte de biodiversité est engagée, qu'elle va à des rythmes qu'on n'a jamais connus auparavant. On peut encore changer la donne, mais que pour ça, il faut des changements radicaux. Donc ça, c'est bien inscrit dans le rapport. Hein, Changement radical, c'est tout dire et ne rien dire à la fois. Changements radicaux des modes de production et de consommation liés à nos habitudes de vie. Donc ça, c'est quand même très clairement dit dans le rapport. Il attaque, entre guillemets, les modes de production et de consommation en disant qu'on ne peut pas continuer à produire de la même manière qu'on le fait actuellement. Et on ne peut pas continuer non plus à consommer au même rythme, sinon on va dans le mur, entre guillemets, pour ce qui est de la biodiversité. Donc ça, c'est très clairement dit dans le rapport. Il est posé sur le bureau des politiques. L'IPBES a été reçu par le président de la République et ils ont été reçus la semaine passée par le Sénat, enfin le Congrès américain. Maintenant le constat est posé, de même qu'il avait été posé pour le climat il y a quelques temps. Il reste, je pense, effectivement, à la sphère politique et aux autres acteurs également. On en reparlera peut-être après, du monde économique, des collectivités territoriales, à se saisir de cet enjeu et à appliquer les solutions qui finalement sont connues. Quand on parle de choix radicaux, il y a cette étude. Alors j'ai plus les détails en tête, mais qui avait été fournie, je crois, il y a 4-5 ans, qui traduisait en fait concrètement ce que ça signifierait de changer radicalement de mode de vie pour avoir un effet le plus rapide possible, tant sur le réchauffement climatique que sur l'effondrement de la biodiversité. Et on en arrive à des mesures comme passer de 75 kilos de viande par personne par an à 25, limiter les vols hors Europe à partir de 2020, interdire à partir d'aujourd'hui la construction de nouveaux moteurs thermiques, c'est-à-dire des vrais changements qui sont pour le coup des changements véritablement radicaux. Est-ce qu'il faut en arriver là ? Est-ce qu'aujourd'hui, ces rapports de l'IPBES n'ont pas pour vocation à dire que ce changement radical, il doit être incarné et pas juste être un mot derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, Jean-François Sylvain ? Pas facile de répondre à votre question. C'est pour ça que je vous la pose. parce que C'est vrai que l'IBES a clairement fixé des éléments d'objectifs, si on peut dire, hein, le constat, les éléments d'objectifs. Et maintenant, on arrive à, justement à des chiffres tels que ceux que vous citez, qui peuvent être des cibles. Hein. Après, c'est vrai qu'on a entendu aussi des discours pas inintéressants, justement, à l'IBES, les Américains qui ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas que les choses soient trop prescriptives. Les Argentins, sauf erreur, qui ont défendu le commerce international, parce que pour eux, c'est tout de même relativement essentiel. Donc, c'est vrai que le système que vous évoquiez au début de l'émission, cette confrontation des scientifiques qui ont des éléments un peu d'objectifs, à la fois clairs et des fois peut-être un peu très engageants, et puis les politiques, a amené à des éléments de... où on peut aller vers des éléments de consensus qui sont intéressants. Hein. Je pense que, et puis, il y a aussi l'évolution des sociétés elles-mêmes. On voit bien que certaines des choses que vous évoquez sont en train de se faire. La réduction de la consommation de viande en Europe, elle est déjà actée. Après, il faut certainement... Elle est amorcée. Elle est amorcée. Il faut certainement l'intensifier, revenir à des pratiques beaucoup plus traditionnelles d'élevage, aider les agriculteurs à aller vers ces pratiques, hein, de façon à ce qu'ils puissent continuer à vivre aussi, etc., les éleveurs. Ne pas dire il faut moins consommer de viande, donc consommer plus de poissons, parce que là, on va vers des choses assez terrifiantes au niveau de l'exploitation des océans. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Je pense qu'il faut, et c'est peut-être un des points essentiels, tant au niveau des citoyens, que des acteurs socio-économiques, que des politiques, profiter justement de toute cette tendance, des chiffres qui ont été évoqués, etc., pour commencer à faire bouger les choses de manière beaucoup plus accentuée que c'était le cas jusqu'à présent. Pour conclure, en un mot, Cyril Barnaria, je vous pose une question encore plus compliquée que celle que vient de poser à Jean-François Sylvain. Rapidement, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'il est encore temps ou est-ce qu'il est trop tard ? Il est encore temps, heureusement. Vraiment ? Mais il faut vraiment se saisir des enjeux et, comme on le disait, aborder des changements radicaux ou importants ou voilà de nos. Mais ces changements radicaux, vous voyez bien que on est sur des amorces de mouvements, que la radicalité, elle n'est pas là, elle n'est pas à d'autres portes pour le moment. Collectivement. Elle est pas encore, je pense, comprise à tous les niveaux, mais quand je vois l'engagement en particulier des jeunes aujourd'hui, j'espère qu'on peut avoir cet espoir-là, mais en ne se reposant pas que sur eux. Mais voilà, c'est faire poser beaucoup de responsabilités sur le dos des plus jeunes en disant, mais oui, les mentalités sont en train de changer, les plus jeunes vont avoir un rapport différent, ils sont plus mobilisés, mais enfin, tout ne repose pas non plus uniquement sur eux. On est encore là et on a encore des choses à faire, hein, Jean-François Sylvain. Mais oui, mais justement, je pense que, comme on dit l'autre personne, ça commence par nous déjà, et pas seulement les jeunes. Hein. On a parlé des sciences participatives, c'est des engagements de chacun à ne plus utiliser ses sacs plastiques, à économiser, à changer son téléphone tous les 4 ans et puis tous les 2 ans, etc. C'est des choses qui peuvent se faire au niveau individuel. Ensuite, c'est des pressions qui s'exercent, excusez-moi, aussi sur le monde de l'entreprise. Hein, le monde de l'entreprise, il est aussi en lien avec les employés de ces entreprises qui eux-mêmes portent ce type de message, et puis vers les clients qui sont en train de changer de comportement. Et puis, au final, alors vers les collectivités locales aussi qui sont impliquées, et on le voit sur la réduction des pesticides, par exemple, et puis au final vers les États qui doivent aussi montrer. Mais c'est pas, on ne doit pas tout attendre des États. Il faut que ça commence aussi par nous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-François Sylvain, merci Cyril Barnarias d'être venu nous parler un peu plus en détail de ce rapport de l'IPBES sur la biodiversité. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Ville-France, Céline Lozen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation et Jordan Fuentes à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, eh bien direction le Québec, à partir de demain et jusqu'à lundi prochain, la méthode s'envole à Gatineau, c'est juste à côté d'Ottawa, pour rendre compte du 87e congrès de l'ACFAS. C'est l'association francophone pour le savoir. Pendant une semaine, eh bien, on va parler de recherche francophone avec des scientifiques du monde entier, de la place de la francophonie dans le monde des sciences, de la relève des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses francophones, mais aussi on parlera de nanomatériaux, d'intelligence artificielle en biochimie, un programme passionnant qu'on vous concocte spécialement pour vous les auditeurs de la méthode scientifique partout à travers le monde. On se retrouve demain à 16h depuis le Québec, jusqu'à preuve du contraire.